Le cadre de cette extraordinaire émission radiophonique qui est réanimation, The Undead Incorporated Show. Et je ne dis pas ça de façon erronée, puisque depuis quelques semaines, je reçois des centaines de courriels exprimant le contentement des auditeurs. Je peux donc en déduire que les trois auditeurs de l'émission écrivent sans cesse. Bref, j'aurai le plaisir de recevoir ce soir deux membres de la formation Black Metal Ordox dans le cadre du lancement de leur sixième album, soit Towards Eternity, et aussi de faire la présentation de deux nouveaux albums d'horribles comptines, soit celui de Butchery et de Mastodon. En plus, étant la dernière émission du mois, ce sera la présentation de l'album marquant qui s'adresse en mars à Hail of Bullets. J'aurais bien aimé agrémenter le tout de quelques petits sketchs ou extraits tirés des meilleures émissions télé du Rockmaster, tels que Symphorien ou bien encore Rue des Pignons et L'Heure du Temps, mais je ne crois justement pas avoir le temps. Donc à la place, je vous diffuserai des choix métalliques tout aussi massacrants que ces beaux programmes d'antan. Voici Réanimation. Et c'est bien pire, parfois, d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il est persuadé que la santé passe par les vitamines, et qu'un complément de fer est toujours souhaitable, absorbé d'une façon ou d'une autre, tel que par des clous, vis, boulons, ferrailles, ou tout simplement par de la musique métal bien malsaine. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go.

Denis Sasquatch, Bart du groupe Aggression. Vous écoutez Reanimation, The Undead Incorporated Show. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de l'animation. En ce 28 mars de l'an de disgrâce 2017, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. En ouverture d'émission, ce bloc entièrement dédié aux formations canadiennes et aussi québécoises. On vient d'entendre à l'instant une pièce qui est tiré de la plus récente parution de des anciens Montréalais. Ben en fait, je dirais initialement Montréal Aggression, qui maintenant sont plus du côté de l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Aggression avec l'excellente Hall of Magus, qui est tirée de leur dernier album paru à la fin. Ben en fait, paru à la fin, oui, d'une certaine façon, de l'an dernier, mais toujours pas encore disponible ici, soit Fragmented Spirit Devils sur Extreme Music. Et Aggression serait, selon toute vraisemblance, encore en studio actuellement pour enregistrer, et probablement suite à la signature qu'ils ont fait avec l'étiquette Extreme Management Group en février dernier. Donc, je suppose qu'il y aura d'autres choses à venir de la part d'Aggression d'ici peut-être la fin de cette année. Juste avant, formation Voivode, bien entendu, formation originaire de Jonquière, montréalaise. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, bien des années même, les pièces de Getaway qui tirent sur leur 11e album 14, qui est paru en 2006. Je dis 11e album 14, ça sonne drôle un peu, hein? Ah, je vérifie ça, moi. Allez, go. C'est paru en 2006 sur The End Records et nous avions Sacrifice, un très bon Hiroshima, tiré de The One I Condemn, qui était leur 5e et dernier en liste, paru en 2009 sur Mercury Records. Oui, Sacrifice peut être actif à l'occasion, mais je ne crois pas revoir avant un certain bout de temps un album studio original de la formation. Malheureusement, je dois le dire. Strapping on Lad, formation encore de défunte. Formation défunte de la Colombie-Britannique et la pièce Far Beyond Metal qui est tirée de leur 5e album The New Black qui est paru sous l'étiquette Century Media en 2006. Je crois que c'était le dernier de Devin Townsend et Strapping on Lad. Et on a ouvert avec une formation que j'oublie de passer peut-être trop souvent. Formation Zimmer's Hall. Un nom qui n'est pas très évocateur, en tout cas. Zimmer's Hall, formation de Colombie-Britannique également, et la pièce Re-Anaconda qu'on retrouve sur le premier album Legion of the Flames. Pardon, c'est le deuxième album qui est paru en 2001. J'avais eu l'occasion à l'époque de voir le groupe évoluer en spectacle et c'était pas reposant. C'était bon, mais c'était pas reposant. Re-Anaconda, bien entendu, vous avez probablement pu percevoir ou reconnaître une grande influence de Reanimation, de Sacrifice, parce qu'il y a effectivement un bout dedans qui est de Reanimation. Mais Zimmer's Hall, du moins cet album-là, aimait beaucoup faire des reprises, des segments de reprises, devrais-je dire, de groupes ou de pièces qu'ils aiment. On retrouvait, entre autres, une espèce de reformule bizarre, là, Flight Tonight de Nazareth. Bref, il y en avait d'autres aussi. Ce soir, l'émission est pas mal chargée parce que c'est la dernière émission du mois, donc la représentation, oui, je l'ai déjà présenté une fois, je peux le représenter. La présentation d'album marquant qui s'adresse cette semaine, oui, et ce mois-ci, à une formation des Pays-Bas, soit Hell of Bullets. Et l'album Third, The Rummel Chronicles, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup. Présentation de nouveautés, soit celle d'Obituary et de Mastodon, ainsi qu'une entrevue avec la formation québécoise basée à Nicolet ici, soit Ordax, formation de black metal, pour le lancement de le nouvel album. Towards Eternity, qui se fera ce samedi, 1er avril, ici à Trois-Rivières. Donc, on les aura probablement vers 20h30, si je ne m'abuse. Segment cinéma, il va être relativement court. Ce sera plus série télévisée, en majeure partie. Et pour des bonnes et des moins bonnes choses. C'est comme à tous les semaines, hein. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un bloc qui est, ma foi, c'est pas mal du death metal, là, je dois le dire. Êtes-vous surpris? Non, hein? Mais un instant, parce que je crois que Horace avait quelque chose à dire. Horace, tu peux te déjeuner? Ah, voilà. Bon. Qu'est-ce que tu dis, Horace? T'aurais un message à livrer ou à délivrer à notre ami Sylvain, n'est-ce pas cela? Oui. Et quel est ce message, Horace, s'il vous plaît? Je suis entièrement d'accord. Il dit que Sylvain, qui est un auditeur de réanimation, qui est quelqu'un que je connais quand même assez bien, que c'est le roi des bouffons. Puis je suis parfaitement d'accord avec lui. Voilà, en plein dans les dents de Sylvain, c'était de la part d'Horace. Constant métalliquement avec ce deuxième bloc de l'émission consacré au death metal, dans le cadre duquel on entendra des formations Polonaise Tell 8, formation allemande Mad, dont je vous reparlerai. Et tout de suite, débutons avec l'excellente formation italienne Aid et une pièce tirée de leur troisième album Carthago de Landa S. Il faut détruire Carthage. Aid, let's go! We'll be right back. Hell fin. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album « Incandescence d'un avenir incertain » ou bien « Pleine lune d'automne, volume 3 ». On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle « Olinéa » et c'est disponible partout. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan net, vraiment net. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Mets ça le volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. C'est fou, 89.1. Juste avant la pause publicitaire, on a eu la formation polonaise 8 et l'album Hero Calls, tiré de la pièce Hero Calls, tirée de leur 7e album Erebus, qui paraît en 2010 sur Listenable Records. Et il y a un nouvel album pour 8, Tremendum, qui sera disponible le 5 mai prochain. Une formation qui n'est pas à négliger si vous aimez le genre death metal avec une petite connotation trash à l'occasion. C'est un très bon band. Juste avant, nous avions la formation de Malte, soit Beheaded, une pièce tirée de leur plus récente parution, soit Beast Incarnate, la pièce étant Reign of the Headless King. Reign of the Headless King, pardon, vais-je le dire, sur Unique Leader. Mahat, formation allemande, et la pièce Preservation of My Immortal, qui est tirée de l'avant-dernier album de 2014, soit As We Create the Hope from Above, qui était leur deuxième. J'ai beaucoup de difficultés à lire ce soir. Non, j'ai beaucoup de difficultés à lire, point. Qui était sous étiquette Oral Attack. Et il y a un nouvel album pour Mahat qui porte le nom de Monuments Will Enslave, qui est annoncé partout pour être disponible depuis le 3 mars dernier. Et malheureusement, je ne risque pas à mettre la main nulle part dessus. Nulle part dessus. Ou quelque chose du genre. C'est pas grave. Bref, j'aimerais pouvoir vous le présenter, mais ça a l'air difficile à se procurer. Bon, ça suive. Et on a ouvert avec la formation italienne Aid. Et la pièce Scipio Indomitus Victor, qui est tirée de Cartago d'Alandas Est, leur troisième parution, qui est parue sur Extreme Music en 2016. Très bonne formation de death metal, très intense et avec conceptuel, parce que évidemment, ça traite de la Rome antique, pas de la Rome antique, mais bien de la Rome antique. Voilà. Je vous parle de l'album marquant du mois de mars qui s'adresse cette fois-ci à la formation Hail of Bullets, formation des Pays-Bas, qui a eu ses activités entre 2006 et 2017. Ils sont séparés depuis 2017, malheureusement. Martin Van Dronen avait quitté ou s'était fait remercier l'an dernier. Donc, seulement 3 albums pour la formation, incluant un mini Warsaw Rising. Third The Rommel Chronicles, qui est l'album ciblé ce soir, Et le dernier en liste qui est paru le 28 octobre 2013 sous étiquette Metal Blade Records. Et c'est un album que j'ai adopté et adoré immédiatement. Formation, bien sûr, qui donne dans un concept qui est très de Deuxième Guerre mondiale. On en retrouve des pièces qui sont parfois très doom, d'autres beaucoup plus énergétiques. C'est un mélange Hail of Bullets entre justement le death et le doom. Je pense que l'album va parler lui-même. Je vous propose d'écouter ce qui serait la face 1, si on veut, de cet album Third The Rumble Chronicles, Hail of Bullets. Let's go! calculations, facts and ghostly requests, German reinforcements, deployment of the 14th Army, robots detachments.

T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça à une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Juste avant la pause publicitaire, on a eu droit à entendre la face A, si on veut, de ce dernier album et troisième, finalement, de la formation des Pays-Bas, Hail of Bullets, soit Third of the Rumble Chronicles, qui est apparu sur Metal Blades en 2013. Un très bon album. Un Martin Van Dronen au vocal, pas mal à son meilleur, je dois dire. Je faisais le parallèle tout à l'heure en écoutant les premières pièces, en me disant par rapport au dernier Asphyx, Martin n'a perdu un petit peu. Mais c'est normal, quand t'es rendu dans au-dessus de la cinquantaine, tu peux peut-être plus faire vocalement ce que t'as fait quand t'en avais 30, 40 ou même 45. Là. Ça peut se dégrader rapidement. On a entendu les pièces à l'instant avant la pub. Dak, qui était précédé de To the Last Breath of Man and Beast. Juste avant DG7. Qui était précédé par Pour le mérite, titre francophone, et en ouverture de bloc et d'album Swoop of the Falcon, un très bon album de Hail of Bullets, Third of Rumble Chronicles. Et je dirais honnêtement que tout ce qui a été fait, c'est-à-dire trois albums par la formation, sont pas mal tous très bons. Et 20h21, je vous parle brièvement de séries télé et de cinéma, comme je le fais tous les semaines. Je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière que j'avais commencé la première partie de la 7e saison de Walking Dead. J'ai pratiquement fini la saison en entier. Il me reste plus que 2 épisodes à écouter, soit la 15e et la 16e. Et j'ai encore appréciation de la 7e saison jusqu'à présent. C'est un peu long et étiré. Il y a pas beaucoup de choses qui se passent. Même au 14e épisode, je dois dire, j'espère qu'ils nous ont réservé pas dire l'apocalypse, parce que c'est pas mal déjà le cas dans la saison, là. Mais la bombe pour les 2 derniers épisodes, parce que c'est un peu décevant, je dois dire. Autre truc que j'ai trouvé décevant, mais je m'y attendais en même temps, c'est un film qui porte le nom de Passengers, un film de science-fiction. 2016, qui met en vedette, entre autres, Jennifer Lawrence, une fille que je suis incapable de voir, mais encore moins de voir à l'écran en tant qu'actrice. Et malheureusement, le film débute très bien parce que le concept est bon. Ce sont des voyageurs qui sont en état de congélation. On parle de 5000 passagers plus les membres d'équipage qui se rendent sur une planète qui est habitable, qui est à plus de 90 ans de voyage interstellaire de la Terre, et malheureusement, il y a une des cabines de cryogénie qui fait défaut, et mécanicien ou quelque chose comme ça se réveille, il se retrouve seul sur le vaisseau, comprend pas ce qui lui arrive, et pour finalement se faire dire par les ordinateurs qu'il reste encore 90 ans avant d'arriver à destination. Ben jusque-là, ça va, parce que c'est assez bien. Il passe une année tout seul sur le vaisseau qui mesure 1 kilomètre de long. Mais c'est quand Jennifer Lawrence se réveille que tout se gâche et là, on tombe dans une histoire d'amour lamentable. Donc, The Passenger, j'ai pas aimé ça. Par contre, au niveau des séries télévision, j'ai commencé aussi parallèlement à The Walking Dead, la 4e saison de l'excellente série Black Sails. et qui raconte bien sûr les aventures du Captain Flynn, Long John Silver, Billy Bones, ainsi de suite. Et ici, M. Steinberg, le créateur de Black Sails, a compris, lui, qu'une série télévisée, pour avoir du public et de la cote d'écoute, faut captiver son auditoire, contrairement à Frank Darabont, The Walking Dead pour la 7e saison. Bref, Black Sails, c'est excellent. Je vous parle de nouveautés, formation. C'est une formation qui fait partie de l'establishment du death metal, aujourd'hui death metal plus traditionnel, formation Floridian Obituary, qui sortait le 17 mars dernier leur 10e album en carrière, formation qui existe depuis 1984. À 86, sous le nom de Executioner, mais de 88 à aujourd'hui, sous le nom d'Obituary. C'est pas une énorme discographie. Faut dire qu'il y a eu des pauses à travers ça. Mais l'album homonyme, Obituary, a été fort surprenant en ce qui me concerne, parce que les deux derniers, je les avais trouvés lamentablement mauvais, voire très ennuyants. Et ici, j'avais pas vraiment beaucoup d'attentes, mis à part de me dire, je vais l'écouter par acquis de conscience. Et j'ai été très surpris. C'est un bon album. Il y a des, il y a du bon matériel dessus. Je pense que John Tardy donne encore une bonne prestation au niveau du vocal. Lui qui a eu, pendant bien des années, le vocal le plus, je dirais, particulier du métal dans le genre. Je pense qu'il se débrouille encore bien malgré son âge qui, lui aussi, vieillit, n'est-ce pas? Donc, je vous propose trois pièces qui sont tirées de ce dernier album, Obituary. On va entendre dans l'ordre Brave End Is Now In No Hope. Let's go! We'll

émission d'actualité africaine, les dimanches 8h sur C'est Fou, 89.1 FM. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan net, vraiment net. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Prenez-vous mon geek comme un compliment. Le Mathieu Planchot vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchot avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Juste avant la pause, trois extraits de cette dernière parution des Floridiens d'Arbitrary, album homonyme, Arbitrary, hein, c'est ça que ça veut dire, qui est paru le 17 mars dernier, soit le 10e. On a entendu la pièce No Hope, précédée de End Is Now, et en ouverture, qui est aussi la pièce d'ouverture de l'album Brave. C'est apparu sur étiquette Relapse Records, et comme je l'ai dit, ben, c'est un album qui vaut vraiment la peine d'être découvert, parce que je pense qu'avec ça, Arbitrary vient de, en fait, en ce qui me concerne, de se racheter. 20h36, c'est comme je l'avais annoncé, comme probablement peut-être d'autres avaient mentionné ou en fait la publicité de ce qui était pour se passer pour la conclusion de l'émission. J'ai en entrevue deux membres de la formation Black Metal québécoise, dont la base est à Nicolet, soit Ordox. J'ai Steve de Cotteret et J.D. Bergeron. Bonsoir, messieurs. Salut, salut. Salut, salut. Comment allez-vous? Ça va numéro un. Ouais, t'es-tu sûr de ça? Ouais. Tu la grippe encore? J'ai encore la grippe pas mal, là, mais quand même. Bon. T'es bien content d'être ici avec toi. Ben, c'est d'autant plus à ton honneur de te présenter à un malade comme tu es. Ouais, c'est ça, ça fit avec moi, ça. La maladie. La maladie mentale ou ça? C'est ça. On en parlera une autre fois là-dessus. D'accord. Ouais, on pourrait tomber dans un sujet un peu. un peu lourd. Messieurs, vous êtes ici ce soir parce que vous êtes présentement en pleine tournée de promotion et vous finissez la tournée ici même à Trois-Rivières ce samedi. Oui. Pour le lancement de votre sixième album, Towards Eternity. Vous êtes gentil de le faire dans notre patelin, hein? Ah, ben, dans le fond, nous autres, c'est important de faire un show dans notre hometown, un lancement. Dans le fond, à chaque album, on se fait un lancement dans la ville. Fait que, Putain, on s'est dit, on va rader le show bien comme du monde, comme ça, on va avoir de l'air bon dans notre ville. C'était une excellente idée. Ah, ouais. J'aimerais ça, les gars, que vous me parliez. Mais en fait, juste pour vous présenter mutuellement, Steve et JD, vous êtes respectivement chanteur pour Steve et bassiste pour JD dans le groupe. Oui. Vous êtes avec la formation depuis 2012. Oui. T'as bien ça. Une formation qui a été instiguée initialement par Jean-François Jalbert, oui. Si je ne m'abuse. Yes. Est-ce que initialement, Ardox était un one-man band, un peu comme Slowdvin? Ben en fait, c'était le groupe un peu d'adolescents d'école secondaire de GF, mais dans le fond, ça a vite skippé pour Slowdvin pendant beaucoup d'années. Okay. Puis dans le fond, il a comme réanimé le projet en tant que projet solo en 2006 pour faire Soriketto et puis Magnum Opus en 2007. Donc c'est une transformation, c'est une évolution, son. Oui, c'est ça un peu, okay. Ouais. Votre participation en 2012, depuis 2012, comme on l'a dit, juste nous décrire un peu, c'est quoi Ordox? Ben, en réalité, c'est devenu de quoi qui était pas censé être ça à la base, dans le sens que, comme moi, quand je suis rentré en 2012, GF, dans le fond, il avait été faire une tournée avec Slowdvin en 2007. Oui, oui, en oui, Amérique oui. du Sud. Oui. Puis là, il avait comme arrêté la musique pas mal, tu sais, les deux dernières années, là, 2010. Puis là, parle, Jean-Jacques avec les chums de là-bas, puis il dit, quand tu reviens faire un tour là-bas, fait que là, tant qu'à retourner en Amérique du Sud de même, ben, ils m'ont clenché un album, puis on se bouquera une tournée là, tu sais. OK, ah ouais, OK. Fait que là, au départ, c'était juste, on sort un album, on va faire une tour là-bas, puis... Ça va être ça. Ouais. Finalement, on s'est mis à jammer ensemble, puis on a bien vu que le fun... La chimie était là. Ouais, exactement. Fait que là, quand on est revenu de là, d'ailleurs, qui était un des plus beaux trips qu'on a vécu, c'est vrai. Ben on n'avait pas le goût pantoute d'arrêter tout ça. Non, OK. Fait que ça nous a même donné du gaz. Fait que là, à partir de là, ben c'est enchaîné un album par année. De façon, oui, j'ai pu voir ça de façon régulière, mm-hmm. à chaque année. Ouais, il y a rien que cette année que... L'année passée qu'on n'en a pas eu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a pris plus de temps un peu, mais on a eu des majeurs changements au niveau du line-up. Fait que... Toi, Steve, à la base, t'es un drummer. T'as été drummer pour le band aussi. Comment on fait la transition de passer de drummer qui, on le sait, c'est en arrière sur le stage, à frontman? Je pense que j'étais comme plus un frontman en arrière d'un drum. t'as juste avancé un peu. Oh ouais, c'est ça. On a juste tossé le drum puis j'avançais sur le banc, tu sais. Mais en réalité, c'est ça. L'optique, la patente, c'est JF qui m'a amené l'idée. Tu sais, moi, j'étais bien à ce poste-là et tout. Mm-hmm. Puis après le deuxième album, JF m'a écrit puis... Je disais, ouais, tu sais, je check ça, puis sans, tu sais, c'est pas par rapport que tu fais pas un job au drum ou quoi que ce soit, mm-hmm. mais il dit, me semble que ça l'apporterait une vision plus, une autre énergie live. Okay. Parce que lui, il joue de la guitare en même temps, fait que là, on s'est dit, bon, ben, puis à ce moment-là et tout, moi, j'avais un autre band au vocal dans le temps, String Empire, que là, c'était fini, ça. Fait que là, j'avais plus de band au vocal, fait que là, j'étais ben enchanté à l'idée de retourner faire du live et fait tout. Tu t'es pas fait prier, finalement. Non, ça a pas été dur pour moi d'accepter l'offre. OK. Puis on est resté de même, là, puis on est bien, hein. Fait que ça convient parfaitement. Ouais, c'est ça. Excellent. Mais là, il y a une différence, par exemple, avec, mettons, l'album May That Be My Shepherd, qui était sorti en 2015, mm-hmm. puis celui-là qui sort. C'est que, dans le fond, moi, en 2015, Strig n'existait plus. Fait que là, j'avais pris... c'est moi qui écrivais les paroles, puis un peu le concept de l'album. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, quand on est retourné, quand je suis revenu pour le nouvel album, là, j'ai dit à JF, vu que Strig est recommencé, j'ai dit là, réécris tout ça, toi, comme quand t'écrivais les autres Hard Docs. Mm-hmm. Puis en même temps, mes dettes, je trouvais que, tu sais, il y a une couleur, tu sais, Jean-François, dans son écriture, pis tout, okay. Puis moi, un autre. Ouais. Fait que genre, je trouvais qu'on s'éloignait peut-être un peu de Hard Docs, même si j'aime bien l'album pareil, mes dettes. Puis là, avec Towards Eternity, on dirait que c'est plus un retour vers ce que Hard Docs, ça doit d'être. Oh, ben, il est d'une grandeur, mais bonté. Hein? Ah, ouais. Toi, JD, tu pourrais-tu nous parler un peu du processus d'enregistrement de ce dernier album-là? Dans le fond, Samuel Landry, notre guitariste, il y a un studio chez eux. Oui. Donc, comme pour tous les autres albums, c'est chez eux qu'on a pu faire ça. Par contre, ma basse et la guitare, on les a faites chez nous, dans le fond, je suis colocataire avec Jean-François. OK. Et puis, grâce à la technologie, disons que ça a beaucoup... ça l'amène beaucoup plus de facilité. Hein? Exactement. Ouais. Là, fait que c'est comme ça qu'on s'y est pris. Et puis, pour la première fois depuis quatre albums, on a fait faire le mastering à l'extérieur. S'il y en a qui le connaissent, il se fait appeler Frankie Blasbeat, François Fortin. Québec. Il produit vraiment beaucoup de bands, surtout des bands black, mais aussi des bands death, puis des bands d'autres styles aussi. Okay. Puis en tout cas, moi, je suis bien content parce que je trouve que justement, là, au final, ça donne un produit différent des autres fois, mais ça reste quand même... C'est l'album qui sonne le plus. Ouais, je pense vraiment. Écoute, la production est quand même assez bien, je dois dire. Mm-hmm. Là, honnêtement, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la facilité, technologiquement parlant, de pouvoir sauver des sous. Ouais, exact. Faut d'aller en studio puis d'avoir le compteur qui roule puis qui nous met de la mm-hmm. pression en arrière de la tête. C'est ça. Il y en a. Mais écoute, je pense que faut savoir ce qu'on veut pour être capable de produire ce qu'on veut aussi. Exactement. Puis la chose qui est intéressante, c'est quand tout le monde a la même optique, ben ça donne un produit. Justement, en parlant de cette optique-là, votre processus de composition et de quelle façon il se passe? Ça, c'est... tu vois, ça, c'est pour ça et tout que Hard Docs, c'est du Hard Docs. C'est tout GF qui compose... Le musical en entier. Lui, là, lui, il nous arrive avec des pré-productions. Dans le fond, c'est ça. Il enregistre tout ça chez eux, des démos. TikTok, il nous envoie ça. dont on apprend pas tant. Est-ce qu'ils vous laissent mettre ce que vous voulez mettre dessus? Exemple, pour toi, JD, t'es run the base, est-ce que c'est... Il te dit pas, je veux ça comme ça, il te laisse aller? Ben, dans le fond, nous, quand ils nous envoient les tunes, on les a en guitare pro, donc on les apprend chacun de notre base. C'est sûr que, là, en cours de jam, on peut modifier quelques affaires, mais je te dirais qu'en très gros pourcentage, ça reste que Jean-François... OK. Fait qu'il y a une espèce de ligne directrice. C'est ça. Lui, il a comme une idée globale de tout ça, donc c'est sûr que nous, tu sais, on essaye de suivre ça. Dans le fond, à quelque part, si on a embarqué dans ce projet-là, c'est parce qu'on aime ce qu'il fait. Ben, vous êtes à l'aise avec ça. C'est sûr, puis on a confiance en ce qu'il va faire. Donc, c'est pour ça que, oui, on a notre mot à dire, mais je te dirais qu'en très gros pourcentage, là, c'est pas mal. Puis c'est ça, c'est pas forcément. Là, non, c'est parce qu'on le trace depuis le temps qu'on pose des trucs. Ouais. Bien que, sauf que si on aurait des idées à apporter pour l'amélioration, GF, il est ouvert. Parfait. Vous me dites tout à l'heure, on en a glissé un petit mot en ouverture d'entrevue, que vous revenez de faire plusieurs spectacles qui étaient en fait d'une certaine façon pour promouvoir cet album-là. Ça ressemble à quoi pour vous autres de devoir donner des shows de façon successive comme ça par rapport à votre vie régulière qui est au travers ça, là? Ben, c'est sûr que c'est très difficile, tu sais, surtout que là, les 8 shows qu'on vient de faire, c'était tous des vendredis, samedis collés avec souvent beaucoup de routes, et puis il fallait tout comme de raison revenir au travail lundi matin. Donc c'est sûr que c'est pas facile, sauf que tu sais, c'est sûr que si on le fait, c'est parce qu'on aime ça. Donc non, c'est pas facile, mais oui, on a beaucoup de fun, et puis non, on le regrette jamais. Ouais, et puis quand j'ai trouvé cool de cette tournée-là, c'est que c'était avec deux bands. Oui. C'était Vortex puis Reanimator. Puis j'ai bien trippé à tout le temps à revoir ces gars-là, puis ils se forment à un moment donné, ça devient un crew, là. Ouais, je comprends. C'est ça. On s'aide tous, comme il y a bien gros du gear, c'est Vortex qui amène ça, mais tu sais, quand c'est le temps de le sortir ou de le rentrer. Mais tout le monde est là pour tout les voir. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, samedi, c'est le dernier show de la tournée. Les trois bands sont là. Ben, on va sûrement t'arranger pour se faire une petite party parce que. Ouais. Je veux pas, on s'en reverra pas après ça, là. Ouais, c'est ça. Justement, parlez-en donc de ce spectacle-là qui est à venir au Rockafé Le Stage ici, dans le secteur Câble-la-Madeleine à Trois-Rivières. C'est ce samedi? Oui, ce samedi. Dans le fond, ça commence à 8h. Il y a un groupe qui s'appelle War Slave qui va ouvrir. Mm-hmm. Sinon, ben, c'est les trois groupes de la tournée, là. Dans l'ordre, Vortex, Reanimator, et c'est nous autres qui va terminer. On a beaucoup de surprises, on a loué beaucoup de stock, on a dans le fond là, ça sera pas un spectacle comme les autres, autant par rapport à nous que par rapport aux autres spectacles qu'on peut aller voir au Café Rock Le Stage. Il va y avoir un petit peu plus de visuel. Plus de visuel, plus d'un peu tout, là, je veux pas en dire trop, là, mais je veux dire, tu sais, ceux qui nous ont déjà vu. Mais tu sais, ceux qui nous ont déjà vus ou bien qui sont habitués d'aller voir des shows au stage, là, je veux dire, ça sera pas la même chose que d'habitude. Là. On peut déjà leur dire ça. Là. Parfait. Qu'est-ce qui est pas pire de cette line-up-là, je trouve, c'est quand même bien varié comme band. Ouais. Tout en gardant, il y a quand même une ligne. Là, on est tout un peu dans le mélo pareil. Là. Mais tu sais, Vortex, c'est du death mélodique, pas mal. Reanimator, il arrive avec un genre trash de party. Ben, trash, là. Puis Hard Dogs, ben, on a un côté plus fret un peu. La plus fret, mais party aussi pareil. Ouais, c'est ça. On peut pas faire vraiment autrement. C'est ça. On est dessus le party, tu sais. Vous êtes le party. On est le party. C'est ça qu'on se disait en tournée, nous autres, on est comme un party qui se promène. Ouais, c'est ça. Tu partais ambulant à Hard Dogs. Ouais, c'est ça. Samedi soir, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir pas mal de pièces qui vont être sur le dernier album Wars Eternity? 7 sur 10, je pense. Oui, il y a des pièces de tous les albums, mais on fait quand même pas mal le tour là, de Towards Eternity. Okay. J'ai vu que vous étiez sur Our Pain Gore Death Production, label qui semble avoir quand même un assez gros roster. Là. Comment ça se passe avec eux autres? Ben, le gars a de la coupe pas mal au niveau de la promotion. Là. Genre, dès qu'on est rentré là-dessus, là, on a en plus, on lui a demandé des contacts au niveau PR. Okay. Il nous a donné le nom d'une compagnie auquel on a investi un peu pour. Puis là, la promotion commence à se faire. On a pour 6 semaines, je pense. Puis on voit déjà là, un bon. Il y a déjà un résultat. Ouais, ça se promène beaucoup plus sur notre Facebook. Tu sais, le gars, Le gars, lui, travaille pour Relapse Records. OK. Fait que, tu sais. C'est pas mauvais en partie. C'est comme ça, dans le fond, que ça s'est fait. On a envoyé un promo, dans le fond, pour l'album d'avant, mais non, même pas. C'est l'autre d'avant, c'est Beyond Mankind. OK. On avait envoyé des promos au chemin un peu partout, dont un à Relapse. Puis on a reçu un message de lui qui disait Relapse, il était pas intéressé, mais ils m'ont parlé de vous autres. Puis en tout cas, si ça vous intéresse, on pourrait travailler ensemble. Finalement, ça n'a pas donné pour mes dettes, mais là, pour. Ça se fait là. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait là. Ah, dans le fond, c'est une bonne chose. On s'est dit que ça pouvait être une porte pour les États-Unis. Là, à date, le Canada comme de raison, l'Europe un petit peu, l'Amérique du Sud étant donné qu'on était déjà allé, mais les États-Unis, on n'avait jamais défriché ça. Donc, C'est peut-être encore un signe que des fois la persévération a sa place. Oui, exactement. Ah oui, Oui, tout à fait. Messieurs, on va devoir abréger parce que le temps passe, puis bon, on s'entend que si les autres de Matière Noire cognent à la porte, ils seront pas contents. Mm-hmm. Mais parce que j'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter deux pièces qui sont tirées de Towards Eternity. Mm-hmm. Personnellement, j'avais demandé à Sam, avec qui on avait arrangé l'entrevue de ce soir, de passer la pièce. Je voulais passer la pièce We Are Eternal parce que c'était mes préférés de l'album. Okay. Il avait dit que c'était correct. Donc, on va entendre We Are Eternal. Et Sam avait choisi A Passage in Time aussi. Okay. Donc, on va écouter ces deux pièces-là qu'on va peut-être entendre samedi. On va peut-être. Oui, peut-être. Ben écoutez, pour le lancement de l'album, ce samedi 1er avril au Rock Café Le Stage, je vous dis le mot de cambronne qui est merde. Merci. J'espère sincèrement que pour vous autres, ça va aller très bien. Puis je pense que vous travaillez fort, les gars, puis je vous encourage à continuer. Puis, ben, qui sait, hein, la prochaine étape, là, c'est peut-être la Norvège. C'est sûr que moi, si je peux voir du pays par rapport à que je fais de la musique, là, ben, j'embarque. Ben, pourquoi pas combiner l'agréable à l'utile? Et voilà. Hein? Voilà. On écoute ces deux pièces-là. Ben, écoutez, soyez au Rock Café Le Stage ce samedi 1er avril pour aller voir Ordox en compagnie de Vortex, Reanimator et Warslave. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Yes, à toi. See you.